40 pas pas à ta soviète colombienne, mon machette a été, la vie est mal faite, faut que force un, tu es, c'est pas fait. Dieu merci, j'ai pris de l'âge, combien on est avant, grand bourgon, bisous ton chambellan, ma France, je dis je t'aime comme mes enfants, sinon je le déramant, tu veux mon cœur, quel cœur, on va faire comment. Grenet qu'a volé dans le pays, m'j'en yovelé, malheur et dit yo gangrou, yo prend bâton, jeune garçon fini l'école, il est chita, parce que par cas je n'en côté pour le travail, jeune fille entrée dans 20 croyaux pour l'argent, tendez y'a combien de diaspora sans capote, c'est comme si mon site n'a pas même fait yo père, tellement n'a pas ses misères, nous vîmes paquet, la vie nous est en danger, pays nous a coulé, quoi qu'on sentit yo chita y'a bien rosé, pendant 7 ans c'est même la gapé souffri, c'est fait avec c'est nous yo gapé mourir, l'Amérique en yo pas si yo mort, après y'a vint si pays nous c'est caca, la bas nous en bas go yo bas nous don, yo bas nous coup d'état bas nous en clos, yo t'étais tous comme si nous c'est bête, yo qu'on aime bien non parmi nous get traite, en pile en l'exa yo pas là pour peuple là, yo bien réfléchi combien yo volé là, pas vint dim c'est n'est pas qu'à faire crime yo, tout moun connaît c'est n'est gant qui bosse yo, moi j'ai moulé gata sopman si fait, rien n'est pompé, pas gué de l'eau pour pomper. Dubaï, Phuket, 47, Pampan, Attac, Soviet, Colombiette, Maman, Machette, Haïti, la vie est mal faite, faut que force un, tu es, c'est pas fait. Dieu merci, j'ai pris de l'âge, combien on est avant, quand bourgon, bisous ton chambellan, ma France, je dis je t'aime comme mes enfants, sinon je le déramant, tu veux mon cœur, quel cœur, on va faire comment. Tant de gens parlent, y'a foutre, non mais non moins, vous êtes senti, y'a pas qu'à foutre, faire manier, zone son lame ou déjà foutre qu'on est, mentalité m'toute. Les gars, même c'est Guinée. Côté yo, pas qu'à aller, c'est la moule. Quand c'est ça, guet danger, c'est là pour m'aller. Maintenant, des gars bandits dans zone dans sale. C'est ça, nous, ouais, c'est la tête qui a fait zac. Là, les micros, dans bouche, toi, fais ma caque. Après ça, c'est yo qui a parlé de changement. Bon, Kabila, fait tête, yo, fait yo mal. Le plus vite, mais dit, moi, sorti dans gang, là. Là, qui sous moyen, il pas raisonnable. Maintenant, des gars, manger, moi, dit, c'est dommage. Ça, qui sous moyen, il natif natal. Éducation, formation, nègre, la caille. Yo, qui démarre, yo, dans jouer la salle. Même là, j'ai ma coin et ma quête, la salle. Coco, yo, fâche. Yo pas qu'à comprendre moi, t'as des gars mettez 20 000 sous tête moi. Pour qui ça mes amis ça me fait nég yo. Jalousie a fait get maman yo. Même si ouais bagay yo t'es en bas. Je n'aime vraiment pas, crois-moi j'ai mille et une raison. Ni l'Amérique, ni la France, le seul mon lieu de prédilection. Je n'ai pas vu de panneau de sens, d'abord y'a trop de circulation. Si rien n'a de sens, je vais dans toutes les directions.